Alors, attaquons cette saga par son épisode fondateur, le tout premier American Nightmare. Bleumhouse frappe fort pour ce premier opus avec une tête d'affiche connue, Ethan Hawke. Dans l'univers dépeint, les États-Unis sont devenus une sorte de dictature où, une nuit par an, tous les crimes sont permis et où il est vivement conseillé de rester chez soi, à l'abri derrière des murs et portes blindées, et de ne pas s'occuper de ce qui se passe dehors. Notre héros fait partie de ceux qui se sont enrichis grâce à la purge, en vendant des systèmes de défense spécialement conçus pour parer aux éventualités de cette nuit particulière. Tous les ans, il se cloître avec sa famille derrière ses murs blindés. Mais cette nuit-là, sa fille ouvre à un innocent pour le protéger. Premier bon point pour un film à budget limité, il s'agit d'un home invasion. Nous ne sortirons jamais de cette maison. Le cast est très bon et le réalisateur scénariste gère bien son suspense. C'est pas exceptionnel, mais très efficace et c'est tout ce qu'on lui demande. Les seuls reproches que j'aurais à lui faire sont un twist qui ressemble un peu trop à un Deus Ex Machina, et surtout un univers riche et intrigant, mais un peu sous-exploité.